Oui, prince, me voilà. Et tu ne me chasseras pas, j'en suis certain. Tu me subiras comme tu subis tout. Pourquoi dois-je te chasser, Rogojin? Moi, à ta place, je ne chasserai pas seulement l'homme qui a voulu me tuer, je l'assommerai. Mais c'est que je ne suis pas toi, Rogojin. J'ai oublié depuis longtemps cette histoire ridicule. Ce couteau que tu as levé sur moi... Ce couteau pouvait te transpercer le cœur. Imagine-toi que j'aurais aimé qu'il le fît. À présent, je reposerai dans un petit cimetière fleuri et silencieux. Hélas, le sort n'a pas voulu que tu me frappes, et me voilà condamné à vivre. Mais laissons cela. Dis-moi plutôt, quand ai-je vu pour la dernière fois? Pour la dernière fois? Il y a un mois, dans la maison de Nastassia Philippovna. Tu ne t'en souviens plus? Tu montais l'escalier, tu te hâtais. Moi, j'étais caché derrière un pilier, je t'attendais. Dans mes oreilles résonnaient encore les paroles que tu m'avais adressées avant de me quitter. Écoute, Rogojin. Je t'aime comme un frère. Je ne me mettrai jamais sur ton chemin, au contraire, je m'effacerai avec joie. Mais ton mariage avec Nastassia Philippovna fera-t-il ton bonheur? Réfléchis, réfléchis bien. Ce mariage, ce sera l'enfer pour toi. Pour elle, ce sera la chute. La chute dans l'abîme. Voilà. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire et maintenant je m'en vais. Je te laisse libre. Fais ton choix. Adieu, Rogojin. Oui, prince. J'entendais encore tes paroles résonner à mes oreilles. Et cependant, caché derrière mon pilier, un couteau à la main, je te guettais. Et lorsque tu fus à ma hauteur, je levai mon couteau et je te l'aurais enfoncé dans la poitrine. Si cette attaque subite de ta maladie ne t'avait pas terrassé à deux pas de moi. Es-tu venu me retrouver ici uniquement pour me dire que tu as voulu me tuer? S'il en est ainsi, tu t'es donné de la peine pour rien, je le savais. Non, je ne suis pas venu uniquement pour cela. J'ai reçu ta lettre, prince. Tu as eu tort de m'écrire. Je n'ai que faire de tes analyses psychologiques et ta commisération à mon endroit mérite au plus haut point, voilà. Non. Si je suis venu te chercher dans ce maudit parc, c'est parce que Nastassia Philippovna m'a ordonné de t'amener chez elle. Elle a quelque chose à te dire. J'irai la voir demain. Non, c'est maintenant qu'elle veut te voir, prince. N'insiste pas, je me rendrai demain chez Nastassia Philippovna. À présent, je rentre, j'ai un rendez-vous urgent. Le boxeur Keller que j'ai aperçu tout à l'heure m'a dit en effet que tu avais un rendez-vous très important. Il t'a dit vrai. Mais ne peux-tu le remettre à demain? C'est impossible. Mais avec qui as-tu donc rendez-vous? Avec moi-même, monsieur Rogojin. Tu te moques de moi ou tu divagues? Ni l'un ni l'autre. Faute de pouvoir fixer rendez-vous à un autre être humain, je me le fixe régulièrement à moi-même. Cette fois, je suppose que je suis clair, n'est-ce pas? Bon, lève-toi donc et accompagne-moi jusqu'à mon domicile. Mais tu es fou, prince, fou allié. C'est bon. Je vais t'accompagner chez toi et je vais quérir un médecin. Oh, le médecin n'y peut rien. Ce n'est pas mon corps qui souffre. C'est mon âme. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé pour panser les blessures de l'âme. Tu me hais, Rogojin. Avoue-le. Oui. Parfois j'en ai honte, mais c'est vrai. Je te hais. Et tu continueras à me haïr tant que tu penseras que c'est moi que Nastassia Philippovna aime. Tu as peut-être raison. J'ai sûrement raison. Mais je vais te dire quelque chose qui t'étonnera beaucoup. Dis-le, on verra bien. Sais-tu que Nastassia Philippovna t'aime maintenant plus que tout autre homme? Moi? Tu dis des bêtises, prince. Elle ne te le dira pas, mais c'est ainsi. Et c'est pour cela qu'elle me torture. Non, Rogojin, ce n'est pas pour cela. Mais plus elle te tourmente, plus elle t'aime. Tu ne comprends pas? Cela n'a pas d'importance. Ta passion pour elle l'a frappée. Elle te pousse à bout par ses railleries, parce qu'elle pense, chaque fois qu'elle te voit meurtri, pantelant, je veux lui faire boire la coupe jusqu'à la lit pour pouvoir l'en remercier plus tard. Voilà. Et pourquoi ris-tu, Parfen? Parce que j'ai entendu dire qu'une autre femme se conduit avec toi exactement comme Nastassia Philippovna avec moi. Quelle femme? Mais à quoi bon te la nommer? Tu sais très bien de qui il s'agit, prince. Alors tu te trompes, Rogojin. Il n'y a rien entre cette femme et sauf moi. Sauf qu'elle t'abreuve de ses railleries, tout comme Nastassia Philippovna le fait avec moi. Non, ne le dis pas, prince. C'est inutile. Nastassia Philippovna m'a tout expliqué, et pas plus tard que ce soir. Tu es amoureux comme un chat d'Aglaï Ivanovna, la fille cadette du général Yepanchine. Cette fois, c'est toi qui divague. Cela m'est égal que tu n'aimes plus Nastassia Philippovna. Le malheur, c'est qu'elle t'aime toujours. Et c'est par amour de toi qu'elle veut absolument te faire épouser l'autre, c'est-à-dire Aglaï Ivanovna. Elle m'a encore dit tout à l'heure, je ne t'épouserai pas, Rogojin, avant d'avoir marié le prince Mishkin à la fille du général Yepanchine. Ah, je n'arrive pas à me débrouiller dans tout cela. De deux choses l'une. Ou Nastassia t'aime, ou elle ne t'aime pas. Si elle ne t'aime pas, pourquoi s'occupe-t-elle de toi? Tu devrais lui être indifférent. Si au contraire elle t'aime, pourquoi veut-elle que tu en épouses une autre? N'as-tu jamais demandé à Anastasia Philipovna des éclaircissements à ce sujet, Rogojine? Si, et à plusieurs reprises. Elle m'a toujours répondu, c'est pour le rendre heureux que je veux qu'il épouse Aglaïa Ivanovna. Je t'ai déjà dit et je t'ai écrit qu'elle n'avait pas toute sa raison. Tu crois? Après tout, c'est peut-être vrai. Mais folle ou saine d'esprit, toujours est-il qu'elle vient de fixer la date de ton mariage. Dans 3 semaines, a-t-elle dit, et peut-être avant. Elle l'a même juré, et elle a décroché une icône. Ah, prince, tu n'y échapperas pas. Alors laisse-toi faire. Et n'oublie pas que j'attends que tu te maries avec Aglaïa Ivanovna pour pouvoir épouser Nastassia Philipovna. Tout cela est de la folie. Je n'épouserai jamais, jamais Aglaïa Ivanovna. Je n'ai pas le droit de briser sa vie. Demain, j'irai voir Nastassia Philipovna et je l'expliquerai. Que veux-tu lui expliquer, prince? Mais tout! Alors c'est bien. Viens la voir. Mais n'espère pas la faire changer d'avis. Elle n'est pas folle, tu sais, comme tu persistes à le croire. La preuve, c'est qu'elle écrit des lettres à Aglaïa Ivanovna. Et Aglaïa Ivanovna, l'Élie, ne s'aperçoit pas de sa folie. Voilà. Nastassia Philipovna envoie des lettres à Aglaïa Ivanovna? Oui. Tu ne le savais pas. Ah. Moi, je te le dis. Je suis sûr qu'un jour, Aglaïa Ivanovna te les montrera. Je n'arrive pas à y croire. Quelle imprudence et quelle audace. Comme je vois, tu es un enfant dans les affaires d'amour. Attends un peu. Lorsque la passion te dévorera, tu installeras chez les Yepanchin ta propre police pour qu'elle te renseigne sur les faits et gestes de la maîtresse de ton cœur, Aglaïa Ivanovna. Tu ne te coucheras plus. Tu veilleras jour et nuit. Tu finiras par te poster en face de la maison des Yepanchin. Tais-toi, Rogojine. Et n'aborde plus jamais ce sujet. Bon, allons, rentrons plutôt chez moi. Demain, c'est mon anniversaire. Il est presque minuit. Allons, viens. Nous allons attendre le jour. J'ai du vin et de la vodka. Nous boirons. Et tu me souhaiteras ce que je ne saurais pas me souhaiter moi-même. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, et Marcel Bozufi, Parfen Rogojine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.